Chapitre 33. La parapide, elle gagna le boulevard des Italiens. Arrivée là, elle entra dans un café où elle savait que Saint-Chez avait ses habitudes. « Monsieur de Saint-Chez ? » demanda-t-elle à un garçon. « Il vient d'arriver. Voulez-vous le prévenir qu'une dame le demande ?» Rose parlait d'un air si hautain, si assurée d'elle-même, que le garçon obéit. Elle resta debout près de la porte, regardant du dehors de cet air indifférent qui lui était particulier. Saint-Chez apparut presque aussitôt, plus étonné que charmé, mais en l'apercevant, il fit un soubresaut. « Vous ? » dit-il, pendant que son visage s'éclairait d'une joie sincère. « Oui, j'ai à vous parler. » Ils sortirent sur le champ, sans que personne n'eût paru remarquer cet incident. « Qu'est-il arrivé, mon Dieu ? » fit le brave garçon encore tout bouleversé. « Il n'est rien arrivé du tout. Je voulais causer avec vous, » dit sèchement Rose. « Appelez une voiture. » Un instant après, il roulait vers le cours La Reine. La nuit était venue et Paris s'éclairait, mais cet endroit est toujours sombre et désert. « Je m'ennuie, » dit Rose après un silence que son ami n'osait rompre. « Je m'ennuie et je n'y vois qu'un remède. Lequel ? Je vous le dirai tout à l'heure. « Est-ce que votre mari n'est pas gentil avec vous ? » demanda bonnement Saint-Chez. Rose haussa les épaules. « Gentil est un joli mot, mais ce n'est pas tout à fait le mot de la situation. » Nous nous parlons, mon cher, mais là se bornent nos relations, et encore, nous ne parlons que de choses aussi peu intéressantes que possible. Je reste toujours enfermé. Nous ne recevons personne, bien entendu. Enfin, c'est une vie intolérable. Eh bien, je veux en sortir, et je vais retourner en Amérique. Votre mari y consentira. J'en suis persuadé. Je lui pèse autant qu'il me pèse. Ce sera un soulagement pour tous les deux. Mais je ne puis pas m'en aller seul là-bas. Ma situation sera difficile si je suis seul, et puis il me faut quelqu'un pour s'occuper de mes affaires. Voulez-vous repartir avec moi ? Déjà ? S'écria le pauvre garçon à peine remis des horreurs du mal de mer. Maintenant ou plus tard, qu'importe. La question de savoir si vous voulez m'accompagner. La voiture roulait toujours, et l'allée était obscure. S'il eût fait plus clair, Rose eût vu la figure de son compagnon s'allonger singulièrement. « Voyez-vous, Rose, » dit-il avec sa franchise habituelle, « vous me faites là une question bien délicate. À vous parler franc, je n'ai pas la moindre envie de retourner en Amérique. » On a beau dire, Rose, on a beau se moquer de ces choses-là, la patrie, c'est quelque chose. On ne sait pas ce que c'est tant qu'on n'en a pas été séparé. Mais 3 ans d'étranger, cela vous rend la France bien chère. « Je ne vous demande pas tant de lyrisme, » interrompit Rose avec son ancienne dureté. « Si vous ne voulez pas m'accompagner, rien n'est plus simple. Mais il y a 3 mois, quand nous nous sommes séparés, vous m'avez témoigné tant de chagrin que j'ai cru honnête de vous prévenir au moment de m'en retourner. « C'est bien, de votre part, c'est très bien, » fit Saint-Chez avec enthousiasme. Soudain, il se calma et reprit d'un ton tranquille. « Mais, voyez-vous, j'ai une famille. Oh, si peu, » fit Rose avec amertume. « Vous n'avez pas assez de voix pour vous en plaindre, jadis. » « Oui, Rose, c'était vrai. Mais c'est toujours comme cela. On s'en plaint, et on l'aime tout de même. Au fond, ce sont de bonnes gens. Si vous saviez comme ils ont tous été contents de me revoir. Et mes amis, c'était une joie dont vous ne pouvez pas vous faire une idée. « Vous avez toujours eu beaucoup de chance, » dit Rose d'un ton posé. « Voulez-vous dire au cocher de me ramener chez moi ? Il y a loin, et nous aurons encore le temps de causer. » Elle indiqua son adresse et Saint-Chez, découragé, se rejeta dans son coin, fort ennuyé et ne sachant que dire. Au bout d'un instant, il reprit pourtant. « Ça vous semble drôle que je vous ai dit non ? Pas le moins du monde. Ça me semble drôle à moi. Il y a 3 mois, je n'aurais jamais cru que ça pouvait arriver. Et pourtant, je vous aime bien, Rose. Parole d'honneur. Je vous aime énormément. Je vous ai dit que quand vous auriez besoin de moi, vous me trouveriez, et c'est vrai, je vous assure. Il y paraît, » fit Rose avec un rire de dédain. « Mais Rose, il faut me demander des choses raisonnables. Vous me proposeriez d'aller faire un tour en Suisse ou en Italie, et encore je ne sais pas. Maintenant que j'ai revu votre mari, ça me paraît beaucoup plus difficile, car j'ai vu votre mari, vous savez, dans le monde. Il est très bien, votre mari. Il est très bien, » répéta Rose d'un ton calme. « Voulez-vous un bon conseil ? bien vous devriez tâcher de vous raccommoder avec lui pour tout de bon. Je suis persuadé que cela vaudrait mieux que tout. La famille, Rose, il n'y a encore que ça. Vous allez vous marier, dit-elle tranquillement. Moi, non. Pourtant, je ne peux pas vous cacher que j'y songe. J'ai un frère qui s'est marié pendant que nous étions là-bas. Et il a un bébé. Non, je n'ai jamais rien vu de plus gentil. Mais ce n'est pas de moi qu'il s'agit. Et puis, enfin, Rose, nous ne pouvons pas nous marier ensemble, n'est-ce pas ? Évidemment, répondit-elle. Eh bien, j'en suis pour ce que j'ai dit. Vous devriez vous remettre avec votre mari. Vous avez parfaitement raison, sachez. Vous parlez d'or, seulement il ne veut pas. Ah ! Fit le jeune homme d'un air déconfit. Et il ne voudra jamais. Jamais, c'est bien long. Au fait, j'oubliais. Il y a l'autre, la jeune fille. Hein, c'est cela. Précisément. C'est grave. Fit Saint-Chez en frottant lentement le bout de son nez avec la paume de sa canne. Mais elle est malade. Continua Rose, elle peut mourir. Ah, eh bien, dit Saint-Chez, qui revint immédiatement à l'espérance. Eh bien, cela ne ferait rien du tout, reprit impitoyablement la jeune femme, qui trouvait un véritable plaisir à taquiner son ancienne amie. Mon mari ne m'aimerait pas mieux. Quand même, il aurait eu 50 jeunes filles. Et qu'elles auraient chacune 50 000 kilos de pierres taillées sur leur tombe au Père-Lachaise. C'est comme cela. Vous m'étonnez, fit galamment Saint-Chez. Je vous étonne. Cela se peut. Et encore, je n'en crois rien. Tenez, mon ami, vous allez me dire adieu et vous faire déposer au coin de la rue de Castiglione. Je vous demande pardon de vous avoir dérangé. Saint-Chez ne bougea pas. Rose avança la main vers le bouton d'appel. Il la retint doucement. Vous me faites jouer un rôle singulier, lui dit-il, et bien déplaisant. Je ne m'en aperçois que trop. Cependant, je voudrais vous faire une autre réponse, et je ne le puis. Vous avez tenu une grande place dans ma vie, Rose, et vous en aurez toujours une dans mon souvenir. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui peuvent partager impunément l'existence d'une femme pendant 3 ans, sans y laisser un bon morceau de leur cœur. Moi, je ne le pourrais pas. Et c'est pour cela que je veux me marier, afin de ne pas laisser des morceaux de mon cœur dans tous les coins, ce qui serait ridicule et inutile. Je vous ai aimé à la fois avec passion et de bonne amitié, et tout rendu à votre mari que vous voilà, je puis causer avec vous comme avec une camarade. Eh bien, Rose, il faut croire ce que je vous dis. Dans la peine et dans la gêne, vous me trouverez toujours prêt à vous servir avec joie, et je vous remercierai d'avoir pensé à moi. Mais pour commencer une vie errante, non, je ne le puis pas. Et puis, ce ne serait pas bien, je vous l'ai dit, Rose, à présent que je connais mieux votre mari. Je vous remercie, dit Rose en tournant le bouton. La voiture s'arrêta. Vous ne me permettez pas de vous reconduire chez vous, dit Saint-Chez, mais sans conviction. Vous n'y songez pas, si vous alliez rencontrer mon mari. Il n'insista pas davantage et descendit. Après avoir dit 2 mots au cocher, il resta tête nue devant Rose, qui le salua d'un signe de tête bref et hautain. La voiture fila rapidement vers la demeure de Juste André. Rose monta chez elle. Son mari venait de rentrer. Le dîner était prêt à servir. Elle se mit à table, les yeux brillants d'un feu méchant, les pommettes teintées d'un rose vif. André, qui se trouvait déjà dans la salle à manger, la regarda avec un peu de surprise. « Vous avez fait une promenade ? » dit-il. « Oui, une longue promenade. »« Le temps est un peu froid, mais vraiment magnifique. C'est aussi mon impression. » Le silence se fit, et le dîner suivit son cours sans incident. Au moment de passer au salon, Rose s'adressa à son mari. « Vous sortez ce soir ?» André la regarda avec intention. « Oui, » dit-il lentement, « je sors, comme à l'ordinaire. » Elle inclina la tête silencieusement. « Auriez-vous quelque chose à me dire ?»« Il fait froid. Prenez garde de vous enrhumer. » Dans cette simple recommandation, dans l'air de Rose, il y avait quelque chose d'indéfinissable qui présageait un orage. André avait connu jadis ces précurseurs de mauvais augure, éclat des yeux, plis des lèvres, froncement des sourcils, plus noirs et plus épais, eût-on dit, que de coutume. Autrefois, il faisait face à la tempête, car il défendait son bonheur. Aujourd'hui, il se déroba tranquillement et sortit sans que rien en lui témoignât qu'il avait remarqué l'agitation de sa femme.